Le comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas. Chapitre 77, Haydée. À peine les chevaux du comte avaient-ils tourné l'angle du boulevard, qu'Albert se retourna vers le comte en éclatant d'un rire trop bruyant pour ne pas être un peu forcé. « Eh bien, lui dit-il, je vous demanderai, comme le roi Charles IX demandait à Catherine de Médicis après la Saint-Barthélemy, comment trouvez-vous que j'ai joué mon petit rôle ?»« À quel propos ?» demanda Monte Cristo. « Mais à propos de l'installation de mon rival chez M. Danglars. »« Quel rival ?»« Parbleu, quel rival ? Votre protégé, M. Andrea Cavalcanti. Oh, »« Pas de mauvaise plaisanterie, vicomte. Je ne protège nullement M. Andrea, du moins près de M. Danglars. »« Et c'est le reproche que je vous ferai si le jeune homme avait besoin de protection, mais heureusement pour moi, il peut s'en passer. »« Comment ? Vous croyez qu'il fait sa cour ?» Je vous en réponds. Il roule des yeux de soupirant et module des sons d'amoureux. Il aspire à la main de la fière Eugénie. Tiens, je viens de faire un verre. Parole d'honneur, ce n'est pas de ma faute. N'importe, je le répète. Il aspire à la main de la fière Eugénie. Qu'importe si l'on ne pense qu'à vous. Ne dites pas cela, mon cher comte. On me rudoie des deux côtés. Comment des deux côtés? Sans doute. Mademoiselle Eugénie m'a répondu à peine, et Mademoiselle d'Armilly, sa confidente, ne m'a pas répondu du tout. Oui, mais le père vous adore, dit Monte Cristo. Lui? Mais au contraire, il m'a enfoncé 1000 poignards dans le cœur. Poignards rentrant dans le manche, il est vrai, poignards de tragédie, mais qu'il croyait bel et bien réel. La jalousie indique l'affection. Oui, mais je ne suis pas jaloux. Il l'est, lui. De qui? De Debray? Non. De vous. De moi. Je gage qu'avant 8 jours, il m'a fermé la porte au nez. Vous vous trompez, mon cher vicomte. Une preuve. La voulez-vous? Oui. Je suis chargée de prier monsieur le comte de Morcerf de faire une démarche définitive près du baron. Par qui? Par le baron lui-même. Oh, dit Albert avec toute la câlinerie dont il était capable. Vous ne ferez pas cela, n'est-ce pas, mon cher comte? Vous vous trompez, Albert. Je le ferai puisque j'ai promis. « Allons, dit Albert avec un soupir, il paraît que vous tenez absolument à me marier. Je tiens à être bien avec tout le monde. Mais à propos de Debray, je ne le vois plus chez la baronne. Il y a de la brouille. Avec madame? Non, avec monsieur. Il s'est donc aperçu de quelque chose? Ah, la bonne plaisanterie. Vous croyez qu'il s'en doutait? Fit Monte Cristo avec une naïveté charmante. Ah ça, mais d'où venez-vous donc, mon cher comte? Du Congo, si vous voulez. Ah, ce n'est pas assez loin encore. Est-ce que je connais vos maris parisiens? Eh, mon cher comte, les maris sont les mêmes partout. Du moment où vous avez étudié l'individu dans un pays quelconque, vous connaissez la race. Mais alors, quelle cause a pu brouiller Danglars et Debray? Ils paraissaient si bien s'entendre, dit Monte Cristo, avec un renouvellement de naïveté. Ah, voilà. Nous rentrons dans les mystères d'Isis et je ne suis pas initiée. Quand M. Cavalcanti fils sera de la famille, vous lui demanderez cela. La voiture s'arrêta. Nous voilà arrivés, dit Monte Cristo. Il n'est que 10h30, montez donc. Bien volontiers. Ma voiture vous conduira. Non, merci, mon coupé a dû nous suivre. En effet, le voilà, dit Monte Cristo en sautant à terre. Tous deux entrèrent dans la maison. Le salon était éclairé. Ils y entrèrent. Vous allez nous faire du thé, Baptistin, dit Monte Cristo. Baptistin sortit sans souffler le mot. 2 secondes après, il reparut avec un plateau tout servi et qui, comme les collations des pièces féeriques, semblait sortir de terre. En vérité, dit Morcerf, ce que j'admire en vous, mon cher comte, ce n'est pas votre richesse. Peut-être y a-t-il des gens plus riches que vous. Ce n'est pas votre esprit. Bon marché n'en avait pas plus, mais il en avait autant. C'est votre manière d'être servi sans que vous répondiez un mot à la minute, à la seconde, comme si l'on devinait à la manière dont vous sonnez, ce que vous désirez avoir, et comme si ce que vous désirez avoir était toujours prêt. « Ce que vous dites est à peu vrai. On sait mes habitudes. Par exemple, vous allez voir. Ne désirez-vous pas faire quelque chose en buvant votre thé ?»« Parbleu, je désire fumer. » Monte Cristo s'approcha du timbre et frappa un coup. Au bout d'une seconde, une porte particulière s'ouvrit et Ali parut avec deux chibouks, toutes bourrées d'excellents lataquiers. Oh, « C'est merveilleux, » dit Morcerf. « Mais non, c'est tout simple, » reprit Monte Cristo. Ali sait qu'en prenant le thé ou le café, je fume ordinairement. Il sait que j'ai demandé le thé, il sait que je suis rentré avec vous, il entend que je l'appelle. Il se doute de la cause et, comme il est d'un pays où l'hospitalité s'exerce avec la pipe surtout, au lieu d'une chibouk, il en apporte deux. Certainement, c'est une explication comme une autre. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a que vous. Mais qu'est-ce que j'entends ? Et Morcerf s'inclina vers la porte par laquelle entraient effectivement des sons correspondant à ceux d'une guitare. Ma foi, mon cher vicomte, vous êtes voué à la musique ce soir. Vous n'échappez au piano de Mademoiselle Danglars que pour tomber dans la guzzola d'Aidée. Aidée, quel adorable nom! Il y a donc des femmes qui s'appellent véritablement Aidée, autre part que dans les poèmes de Lord Byron? Certainement. Aidée est un nom fort rare en France, mais assez commun en Albanie, en Épire. C'est comme si vous disiez, par exemple, chasteté, pudeur, innocence. C'est une espèce de nom de baptême, comme disent vos Parisiens. Oh, que c'est charmant, dit Albert. Comme je voudrais avoir nos Françaises appelées Mademoiselle Bonté, Mademoiselle Silence, Mademoiselle Charité Chrétienne. Dites donc, si Mademoiselle Danglars, au lieu de s'appeler Claire Marie Eugénie, comme on la nomme, s'appelait Mademoiselle Chasteté, Pudeur Innocence Danglars. Peste! Quel effet cela ferait dans une publication de banc ? Fou, dit le comte, ne plaisantez pas si haut, Aidée pourrait vous entendre. Et elle se fâcherait ? Non, pas, dit le comte avec son air hautain. Elle est bonne personne, demanda Albert. Ce n'est pas bonté, c'est devoir. Une esclave ne se fâche pas contre son maître. Allons donc, ne plaisantez pas vous-même, est-ce qu'il y a encore des esclaves ? Sans doute, puisque Aidée est la mienne. En effet, vous ne faites rien, vous n'avez rien comme un autre, vous. Esclave de Monsieur le Comte de Monte Cristo. C'est une position en France. À la façon dont vous remuez l'or, c'est une place qui doit valoir 100 000 écus par an. 100 000 écus? La pauvre enfant a possédé plus que cela. Elle est venue au monde couchée sur des trésors près desquels ceux des 1 001 nuits sont bien peu de choses. C'est donc vraiment une princesse? Vous l'avez dit. Et même une des plus grandes de son pays. Je m'en étais douté. Mais comment une grande princesse est-elle devenue esclave? Comment Denis le tyran est-il devenu maître d'école? Le hasard de la guerre, mon cher vicomte, le caprice de la fortune. Et son nom est un secret? Pour tout le monde, oui. Mais pas pour vous, mon cher vicomte, qui êtes de mes amis. Et qui vous tirez, n'est-ce pas, si vous me promettez de vous taire? Oh, parole d'honneur! Vous connaissez l'histoire du pacha de Janina? D'Ali Téblin ? Sans doute, puisque c'est à son service que mon père a fait fortune. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Eh bien, qu'est Aidée à Ali Téblin ? Sa fille, tout simplement. Comment ? La fille d'Ali Pacha et de la belle Vasiliki. Et elle est votre esclave ? Oh mon Dieu, oui. Comment cela ? Dame, un jour que je passais sur le marché de Constantinople, je l'ai achetée. C'est splendide. Avec vous, mon cher comte, on ne vit pas, on rêve. Maintenant, écoutez, c'est bien indiscret ce que je vais vous demander là. Dites toujours. Mais puisque vous sortez avec elle, puisque vous la conduisez à l'opéra, après? Je puis bien me risquer à vous demander cela. Vous pouvez vous risquer à tout me demander. Eh bien, mon cher vicomte, présentez-moi à votre princesse. Volontiers, mais à deux conditions. Je les accepte d'avance. La première, c'est que vous ne confierez jamais à personne cette présentation. Très bien. Morcerf étendit la main. Je le jure. La seconde, c'est que vous ne lui direz pas que votre père a servi le sien. Je le jure encore. À merveille. Vicomte, vous vous rappelez ces deux serments, n'est-ce pas ? Oh, fit Albert. Très bien. Je vous sais homme d'honneur. Le comte frappa de nouveau sur le timbre. Ali reparut. Préviens Aidée, lui dit-il, que je vais aller prendre le café chez elle, et fais-lui comprendre que je demande la permission de le présenter à un de mes amis. Alice s'inclina et sortit. Ainsi, c'est convenu, pas de question directe, cher vicomte. Si vous désirez savoir quelque chose, demandez-le à moi, et je le demanderai à elle. C'est convenu. Ali reparut pour la troisième fois, éteint la portière soulevée, pour indiquer à son maître et Albert qu'il pouvait passer. « Entrons, » dit Monte Cristo. Albert passa une main dans ses cheveux et frisa sa moustache. Le comte reprit son chapeau, mit ses gants et précéda Albert dans l'appartement que gardaient comme une sentinelle avancée Ali et que défendaient comme un poste les trois femmes de chambre françaises commandées par Myrto. Aidée attendait dans la première pièce qui était le salon avec de grands yeux dilatés par la surprise, car c'était la première fois qu'un autre homme que Monte Cristo pénétrait jusqu'à elle. Elle était assise sur un sofa, dans un angle, les jambes croisées sous elle, et s'était fait, pour ainsi dire, un nid dans les étoffes de soie rayée et brodées les plus riches de l'Orient. Près d'elle était l'instrument dont les sons l'avaient dénoncé. Elle était charmante ainsi. En apercevant Monte Cristo, elle se souleva avec ce double sourire de fille et d'amante qui n'appartenait qu'à elle. Monte Cristo alla à elle et lui tendit sa main, sur laquelle, comme d'habitude, elle appuya ses lèvres. Albert était resté près de la porte, sous l'empire de cette beauté étrange qu'il voyait pour la première fois et dont on ne pouvait se faire aucune idée en France. « Qui m'amènes-tu ? » demanda en romaïque la jeune fille à Monte Cristo. « Un frère ? Un ami ? Une simple connaissance ? Ou un ennemi ?»« Un ami, » dit Monte Cristo dans la même langue. « Son nom ? Le comte Albert. C'est le même que j'ai tiré des mains des bandits à Rome. Dans quelle langue veux-tu que je lui parle ?» Monte Cristo se retourna vers Albert. « Savez-vous le grec moderne ? » demanda-t-il au jeune homme. « Hélas, » dit Albert, « pas même le grec ancien, mon cher comte. Jamais Homère et Platon n'ont eu de plus pauvre, et j'oserais même dire de plus dédaigneux écolier. » Alors, dit Aidée, éprouvant par la demande qu'elle faisait elle-même, qu'elle venait d'entendre la question de Monte Cristo et la réponse d'Albert, « Je parlerai en français ou en italien, si toutefois Monseigneur veut que je parle. » Monte Cristo réfléchit un instant. « Tu parleras en italien, » dit-il, puis se tournant vers Albert. « C'est fâcheux que vous n'entendiez pas le grec moderne ou le grec ancien qu'Aidée parle tous deux admirablement. La pauvre enfant va être forcée de vous parler italien, ce qui vous donnera peut-être une fausse idée d'elle. » Il fit un signe à Aidée. « Sois le bienvenu, ami, qui vient avec mon seigneur et maître, » dit la jeune fille en excellent toscan, avec ce doux accent romain qui fait la langue de Dante aussi sonore que la langue d'Homère. Ali, du café des pipes. Et Aidée fit de la main signe à Albert de s'approcher, tandis qu'Ali se retirait pour exécuter les ordres de sa jeune maîtresse. Monte Cristo montra à Albert deux pliants, et chacun alla chercher le sien pour l'approcher d'une espèce de guéridon, dont un narguilé faisait le centre, et que chargeait des fleurs naturelles, des dessins, des albums de musique. Ali rentra, apportant le café et des chibouks. Quant à M. Baptistin, cette partie de l'appartement lui était interdite. Albert repoussa la pipe que lui présentait le Nubien. « Oh, prenez, prenez !» dit Monte Cristo. Aidée est presque aussi civilisée qu'une parisienne. Le Havane lui est désagréable parce qu'elle n'aime pas les mauvaises odeurs. Mais le tabac d'Orient est un parfum, vous le savez. Ali sortit. Les tasses de café étaient préparées. Seulement, on avait pour Albert ajouté un sucrier. Monte Cristo et Aidée prenaient la liqueur arabe à la manière des Arabes, c'est-à-dire sans sucre. Aidée allongea la main et prit du bout de ses petits doigts roses et effilés la tasse de porcelaine du Japon qu'elle porta à ses lèvres avec le naïf plaisir d'un enfant qui boit ou mange une chose qu'il aime. En même temps, deux femmes s'entrèrent, portant deux autres plateaux chargés de glace et de sorbet qu'elles déposèrent sur deux petites tables destinées à cet usage. « Mon cher hôte, et vous, signora, » dit Albert en italien, « excusez ma stupéfaction. Je suis tout étourdi et c'est assez naturel. » Voici que je retrouve l'Orient, l'Orient véritable, non point malheureusement tel que je l'ai vu, mais tel que je le rêvais au sein de Paris. Tout à l'heure, j'entendais rouler des omnibus et teinter les sonnettes des marchands de limonade. Ô signora, que ne sais-je parler le grec, votre conversation jointe à cet entourage féerique me composerait une soirée dont je me souviendrai toujours. Je parle assez bien l'italien pour parler avec vous, monsieur, dit tranquillement Aidée, et je ferai de mon mieux, si vous aimez l'Orient, pour que vous le retrouviez ici. « De quoi puis-je parler ?» demanda tout bas Albert à Monte Cristo. « Mais de ce que vous voudrez, de son pays, de sa jeunesse, de ses souvenirs. puis, si vous l'aimez mieux, de Rome, de Naples ou de Florence. Oh, dit Albert, ce n'est pas la peine d'avoir une grecque devant soi pour lui parler de tout ce dont on parlerait à une parisienne. Laissez-moi lui parler de l'Orient. Faites, mon cher Albert, c'est la conversation qui lui est la plus agréable. Albert se retourna vers Aidé. À quel âge la signora a-t-elle quitté la Grèce? Demanda-t-il. À 5 ans, répondit Aidé. Et vous vous rappelez votre patrie? Demanda Albert. Quand je ferme les yeux, je revois tout ce que j'ai vu. Il y a 2 regards. Le regard du corps et le regard de l'âme. Le regard du corps peut oublier parfois, mais celui de l'âme se souvient toujours. Et quel est le temps le plus loin dont vous puissiez vous souvenir? Je marchais à peine. Ma mère, que l'on appelle Vasiliki, Vasiliki veut dire royal, ajouta la jeune fille en relevant la tête. Ma mère me prenait par la main et toutes deux couvertes d'un voile, après avoir mis au fond de la bourse tout l'or que nous possédions, nous allions demander l'aumône pour les prisonniers en disant « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel ». Puis, quand notre bourse était pleine, nous rentrions au palais et sans rien dire à mon père, nous envoyions tout cet argent qu'on nous avait donné, le prenant pour de pauvres femmes, à l'égouménos du couvent qu'il le répartissait entre les prisonniers. Et à cette époque, quel âge aviez-vous? 3 ans, dit Aidé. Alors, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé autour de vous depuis l'âge de 3 ans? De tout. Comte, dit tout bas Morcerf à Monte Cristo, vous devriez permettre à la signora de nous raconter quelque chose de son histoire. Vous m'avez défendu de lui parler de mon père, mais peut-être m'en parlera-t-elle, et vous n'avez pas idée combien je serais heureux d'entendre sortir son nom d'une si jolie bouche. Monte Cristo se tourna vers Aidé, et par un signe de sourcil qui lui indiquait d'accorder la plus grande attention à la recommandation qu'il allait lui faire, il lui dit en grec. De ton père le sort, mais pas le nom du traître, ni la trahison. Raconte-nous. Aidé poussa un long soupir, et un nuage sombre passa sur son front sépur. Que lui dites-vous? Demanda tout bas Morcerf. Je lui répète que vous êtes un ami et qu'elle n'a point à se cacher vis-à-vis de vous. Ainsi, dit Albert, ce vieux pèlerinage pour les prisonniers est votre premier souvenir. Quel est l'autre? L'autre? Je me vois sous les sycomores, près d'un lac, dont j'aperçois encore à travers le feuillage le miroir tremblant. Contre le plus vieux et le plus touffu, mon père était assis sur des coussins et moi, faible enfant, tandis que ma mère était couchée à ses pieds, je jouais avec sa barbe blanche qui descendait sur sa poitrine et avec le kanjer à la poignée de diamant passé à sa ceinture. Puis, de temps en temps, venait à lui un Albanais qui lui disait quelques mots auxquels je ne faisais pas attention et auxquels il répondait du même son de voix. « Tuez » ou « Faites grâce ». C'est étrange, dit Albert, d'entendre sortir de pareilles choses de la bouche d'une jeune fille, autre part que sur un théâtre, et en se disant « Ceci n'est point une fiction ». Et, demanda Albert, comment avec cet horizon si poétique, comment avec ce lointain merveilleux trouvez-vous la France? Je crois que c'est un beau pays, dit Aidé, mais je veux la France telle qu'elle est, car je la vois avec des yeux de femme, tandis qu'il me semble au contraire que mon pays, que je n'ai vu qu'avec des yeux d'enfant, est toujours enveloppé d'un brouillard lumineux ou sombre, selon que mes yeux le font une douce patrie ou un lieu d'arrière-souffrance. Si jeune, signora, dit Albert, cédant malgré lui à la puissance de la banalité, comment avez-vous pu souffrir? Aidé tourna les yeux vers Monte Cristo qui, avec un signe imperceptible, murmura. Raconte. Rien ne compose le fond de l'âme comme les premiers souvenirs, et à part les 2 que je viens de vous dire, tous les souvenirs de ma jeunesse sont tristes. Parlez, parlez, signora, dit Albert. Je vous jure que je vous écoute avec un inexprimable bonheur. Aidé sourit tristement. Vous voulez donc que je passe à mes autres souvenirs, dit-elle. Je vous en supplie, dit Albert. Eh bien, j'avais 4 ans quand, un soir, je fus réveillée par ma mère. Nous étions au palais de Janina. Elle me prit sur les coussins où je me reposais, et en ouvrant mes yeux, je vis les siens remplis de grosses larmes. Elle m'emporta sans rien dire. En la voyant pleurer, j'allais pleurer aussi. Silence, enfant, dit-elle. Souvent, malgré mes consolations ou les menaces maternelles capricieuses comme tous les enfants, je continuais de pleurer, mais cette fois, il y avait dans la voix de ma pauvre mère une telle intonation de terreur que je me tus à l'instant même. Elle m'emportait rapidement. Je vis alors que nous descendions un large escalier. Devant nous, toutes les femmes de ma mère portant des coffres, des sachets, des objets de parure, des bijoux, des bourses d'or, descendait le même escalier ou plutôt se précipitait. Derrière les femmes venait une garde de 20 hommes, armés de longs fusils et de pistolets, revêtus de ce costume que vous connaissez en France depuis que la Grèce est redevenue une nation. Il y avait quelque chose de sinistre, croyez-moi, ajouta Aidé en secouant la tête et en pâlissant à cette seule mémoire, dans cette longue file d'esclaves et de femmes à demi alourdies par le sommeil, ou du moins je me le figurais ainsi, moi qui, peut-être, croyais les autres endormis parce que j'étais mal réveillée. Dans l'escalier couraient des ombres gigantesques que les torches de sapin faisaient trembler aux voûtes. « Qu'on se hâte !» dit une voix au fond de la galerie. Cette voix fait courber tout le monde, comme le vent en passant sur la plaine fait courber un champ d'épis. Moi, elle me fit tressaillir. Cette voix, c'était celle de mon père. Il marchait le dernier, revêtu de ses splendides habits, tenant à la main sa carabine que votre empereur lui avait donnée, et appuyé sur son favori Selim. Il nous poussait devant lui comme un pasteur fait un troupeau éperdu. Mon père, dit Aidé en relevant la tête, était un homme illustre, que l'Europe a connu sous le nom d'Ali Teblin, pacha de Janina, et devant lequel la Turquie a tremblé. Albert, sans savoir pourquoi, frissonnait en entendant ces paroles prononcées avec un indéfinissable accent de hauteur et de dignité. Il lui sembla que quelque chose de sombre et d'effrayant rayonnait dans les yeux de la jeune fille, lorsque, pareil à une pythonisse qui évoque un spectre, elle réveilla le souvenir de cette sanglante figure que sa mort terrible fit apparaître gigantesque aux yeux de l'Europe contemporaine. Bientôt, continua Aidé, la marche s'arrêta. Nous étions au bas de l'escalier au bord d'un lac. Ma mère me pressait contre sa poitrine bondissante et je vis à deux pas derrière mon père qui jetait de tous côtés des regards inquiets. Devant nous s'étendaient 4 degrés de marbre et au bas du dernier degré ondulait une barque. D'où nous étions, on voyait se dresser au milieu d'un lac une masse noire, c'était le kiosque où nous nous rendions. Ce kiosque me paraissait à une distance considérable, peut-être à cause de l'obscurité. Nous descendîmes dans la barque. Je me souviens que les rames ne faisaient aucun bruit en touchant l'eau. Je me penchai pour les regarder. Elles étaient enveloppées avec les ceintures de nos palicares. Il n'y avait, outre les rameurs, dans la barque, que des femmes, mon père, ma mère, Selim et moi. Les palicares étaient restés au bord du lac, agenouillés sur le dernier degré et se faisant, dans le cas où ils eussent été poursuivis, un rempart des 3 autres. Notre barque allait comme le vent. « Pourquoi la barque va-t-elle si vite ? » demandai-je à ma mère. « Chut, mon enfant, dit-elle, c'est que nous fuyons. » Je ne compris pas. Pourquoi mon père fuyait-il, lui le tout-puissant, lui devant qui, d'ordinaire fuyait les autres, lui qui avait pris pour devise, ils me haïssent, donc ils me craignent. En effet, c'était une fuite que mon père opérait sur le lac. Il m'a dit depuis que la garnison du château de Janina, fatiguée d'un long service, ici Aidé arrêta son regard expressif sur Monte Cristo, dont l'œil ne quitta plus ses yeux. La jeune fille continua donc lentement, comme quelqu'un qui invente ou qui supprime. « Vous disiez, signora, reprit Albert, qui accordait la plus grande attention à ce récit, que la garnison de Janina, fatiguée d'un long service, avait traité avec le séraskier Kourchid, envoyé par le sultan pour s'emparer de mon père. C'est alors que mon père avait pris la résolution de se retirer après avoir envoyé au sultan un officier franc auquel il avait toute confiance, dans l'asile que lui-même s'était préparé depuis longtemps et qu'il appelait Cataphygion, c'est-à-dire son refuge. Et cet officier, demanda Albert, vous rappelez-vous son nom, signora? Monte Cristo échangea avec la jeune fille un regard rapide comme un éclair et qui resta inaperçu de Morcerf. Non, dit-elle, je ne me le rappelle pas, mais peut-être plus tard me le rappellerai-je et je le dirai. Albert allait prononcer le nom de son père lorsque Monte Cristo leva doucement le doigt en signe de silence. Le jeune homme se rappela son serment et se tut. C'était vers ce kiosque que nous voguions. Un rez-de-chaussée orné d'arabesques, baignant ses terrasses dans l'eau, et un premier étage donnant sur le lac. Voici tout ce que le palais offrait de visible aux yeux. Mais au-dessous du rez-de-chaussée, se prolongeant dans l'île, était un souterrain, une vaste caverne où l'on nous conduisit, ma mère, moi et nos femmes, et où gisaient, formant un seul monceau, 60 000 bourses et 200 tonneaux. Il y avait dans ces bourses 25 000 000 en or, et dans les barils 30 000 livres de poudre. Près de ces barils se tenait Selim, ce favori de mon père dont je vous ai parlé. Il veillait jour et nuit, une lance au bout de laquelle brûlait une mèche allumée à la main. Il avait l'ordre de faire tout sauter, kiosque, garde, pacha, femme et or, au premier signe de mon père. Je me rappelle que nos esclaves, connaissant ce redoutable voisinage, passaient les jours et les nuits à prier, à pleurer, à gémir. Quant à moi, je vois toujours le jeune soldat au teint pâle et à l'œil noir,